Leçon 2 A. Que fait Julien ? Monsieur Rigaud, le père de Julien, entre dans la cuisine. Il porte un carton. Il pose le carton sur une étagère. Ouf ! Encore un carton ? Oui, chérie. La mère de Julien regarde l'étiquette. Mais regarde, Bernard, le carton est pour Julien. À propos, que fait Julien? Il travaille ou il joue? Il installe l'ordinateur. Madame Rigaud porte le carton dans la chambre de Julien. Elle entre et elle trouve Julien sur le lit. Alors, monsieur travaille ou il regarde une BD? Mais maman, regarde! Qu'est-ce que c'est? C'est une BD en allemand.